Alors, on est déjà arrivé au carême. Je sais pas si vous vous êtes dit ce matin, youpi, c'est le carême. Ou si vous avez plutôt pensé, oh non, pas déjà le carême. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont dit youpi? Bon, quand même, quelques-uns. En fait, on devrait tous dire youpi. Parce que le carême, en fait, le mot d'ailleurs vient, en fait, veut dire 40 et signifie ces 40 jours qui vont nous conduire jusqu'à Pâques. Et Pâques, c'est la victoire, en fait, de la vie sur la mort. Mais donc, ces 40 jours, c'est un peu comme les 40 jours d'entraînement où on se ressaisit, où on se réveille un petit peu, puis on choisit à collaborer de façon plus active avec la grâce de Dieu qui, bien sûr, est toujours là, mais on choisit d'y collaborer vraiment plus résolument en faisant une guerre aussi plus résolue au péché et à tout ce qui, finalement, nous rend triste. Donc, si on fait une bonne guerre à tout ce qui nous rend triste, le fruit de ça, ça devrait être quoi? La joie. Hein? Si on fait la guerre à ce qui nous rend triste, à ce qui cause ma tristesse personnelle ou à ce qui cause la tristesse autour de moi, eh bien, le fruit normal de ce temps qui nous est donné, ça devrait être la joie. Donc, le carême est souvent synonyme appel de conversion. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, se convertir? Eh bien, ça veut dire changer de direction. Je m'en allais par là, disons, peu importe, mais je m'en allais souvent dans des directions cul-de-sac. Eh bien, se convertir, c'est dire, OK, je quitte ce chemin cul-de-sac et je reviens vers, entre autres, dans notre cas, c'est de revenir vers la maison du Père qui nous aime tant et là où il fait si bon vivre. Alors, comment faire? Souvent, on entend parler hein, que durant le carême, c'est le temps de prendre des bonnes résolutions pour changer de vie, pour être concret. Parce que c'est bien beau de dire, Seigneur, oui, je veux changer de vie. Mais si on prend pas de petites décisions concrètes, ben on va se retrouver dans 40 jours, puis on va être le même, puis rien n'aura changé. Donc, le Seigneur nous invite à être concret. Et déjà dans la tradition juive, dans l'Ancien Testament, mais Jésus la reprend, cette tradition, l'effort nous est invité à faire un effort sur trois pôles d'attention, trois pôles relationnels finalement. Vous connaissez les trois pôles relationnels, les trois pôles, les trois efforts donc du carême, ils sont nommés dans l'Évangile, l'aumône, c'est quoi la suite? Le jeûne et la prière. Donc, on va redécortiquer ces trois pôles. Donc, l'aumône, le jeûne et la prière. Je vais commencer par la prière parce qu'en fait, ce qui est toujours fondamental, c'est de repartir de l'amour de Dieu. Repartir de cette relation de fond sans laquelle tout le reste perd son sens. Et le pape François, hein, vous connaissez, il écrit une lettre, l'évangile de la joie, il y a plusieurs mois déjà, nous invite à revenir à cette première rencontre qu'on a pu faire avec le Seigneur. Cette première rencontre où on a eu de la ferveur. C'est d'ailleurs un appel qui est fait dans l'Apocalypse. L'ange du Seigneur se plaint à l'une des églises, non pas qu'elle ne fait plus ses cultes et tout ça, mais il lui reproche une chose, tu as perdu l'amour que tu avais à l'origine. Tu as perdu ta ferveur des débuts. Tu es devenu tiède. Donc le Seigneur nous invite en ce temps de carême de quitter nos tiédeurs, de quitter ce qui finalement fait que notre quotidien est comme ci, comme ça, bof. C'est pas trop pire, mais c'est pas très bon non plus. Donc, demandons à Dieu de rallumer le feu de rallumer le feu, et ça, ça se fait entre autres par une décision nouvelle de remettre Dieu à la première place, mais aussi, comme le Saint-Père disait, ça passe aussi par un acte de mémoire de la grâce originelle que j'ai déjà reçue. Et peut-être certains se disent, moi, je n'ai pas rencontré le Seigneur, je n'ai pas eu de grâce originelle. Alors le Saint-Père là, nous dit dans ce cas-là, il dit, demandons avec intensité au Seigneur de nous donner, de le rencontrer, de mieux le connaître, non pas de façon extérieure comme on peut tous le connaître dans les livres, mais de façon profonde et personnelle et intérieure pour être convaincu dans l'amour que vraiment Jésus, tu es Seigneur, tu es mon Sauveur. Donc demandons cette grâce et prenons encore une fois des petites résolutions concrètes. Moi je me souviens, ceux qui me connaissent, là, je l'ai déjà dit, mais ma relation fondamentale, primordiale, je pense, avec le Seigneur, jeune adulte, c'était mon voyage au Mexique, où par une petite expérience missionnaire, j'ai été renouvelé profondément dans ma foi, j'ai goûté à la joie du don, et je me souviens qu'à mon retour du Mexique, j'étais au cégep, et je me suis mis à aller à la messe, plus souvent, même presque à tous les jours dans la semaine. C'était des petits actes gratuits, comme ça, je faisais plus juste ce qui est obligé, d'aller à la messe le dimanche. Je me suis mis à ajouter des petites prières, prier à divers moments, spontanément, parce que j'avais soif de bonifier cette relation. Donc, pour nous, dans ce carême, revenons à cet amour qui fait pas juste le minimum, mais qui en fait un petit peu plus pour bonifier la relation. Donc, le pôle de la prière. Le pôle, ensuite, de l'aumône. Le pôle de l'aumône, en fait, qu'est-ce que c'est l'aumône? C'est partager ses biens pour aider ceux qui en ont moins. Mais au fond, ce pôle-là regarde tout ce qui touche à l'amour, à la charité fraternelle, à l'amour du prochain. Donc là aussi, on peut demander à l'Esprit-Saint, éclaire-moi donc, quels sont mes petits efforts à faire durant ce carême pour que, concrètement, je sois moins désagréable pour mon entourage. Parce qu'on a tous des petits défauts qui pèsent plus ou moins sur notre entourage. Et c'est peut-être les premiers lieux de combat où il nous faut dire, OK, je vais faire des petits sacrifices d'amour. Et ça va être différent pour les uns ou les autres. Il y a peut-être parmi vous certains qui sont les rois de l'imponctualité. Là, je pourrais être parmi les candidats. Alors, pourquoi pas faire un effort de choisir par amour pour les autres, de faire vraiment un effort d'être plus ponctuel. Si on est les rois de la critique, c'est toujours qu'il y a un mot à redire, une petite phrase négative à redire, pourquoi pas convertir notre langue durant ce carême, puis dire, Seigneur, aide-moi à retenir ma langue de toutes ces petites paroles de venin, et plutôt à en dire des positives, et etc. Donc, si je suis du genre à me laisser traîner dans les espaces communs, pourquoi pas dire, je vais vraiment faire un effort. Donc, bref, tout ce qui peut soutenir et bonifier la charité autour de moi. Donc, là aussi, demandons au Seigneur de nous éclairer sur quel effort je peux faire pour non seulement être moins désagréable autour de moi, mais pour infuser de l'amour dans mon entourage. Et troisième pôle, le jeûne, qui est beaucoup moins fréquent. On entend moins parler, le jeûne, ça n'a plus beaucoup de bonne presse. Et pourtant, le jeûne est présent dans toutes les traditions religieuses presque. Et c'est une façon d'associer notre corps à notre prière. Parce que oui, on est un être spirituel et on a un esprit, bien sûr, mais aussi on a un corps. Et souvent, si on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, c'est parce que notre corps et nos passions humaines ne sont pas domestiquées. Ils sont comme un peu des animaux sauvages qui tirent à gauche et à droite, puis je dis « viens par ici », puis il s'en va par là. Et donc, nos passions, si on les laisse à cet état sauvage, et vont aller dans toutes sortes de directions, et même des directions dans lesquelles je voudrais pas aller. Alors le jeûne, et finalement d'autres petits efforts ascétiques, nous aident à domestiquer nos passions, non pas les nier, ce serait de la folie, Et on dit que qui veut faire l'ange, finalement, devient une bête. Mais orienter, domestiquer, c'est-à-dire orienter nos passions pour le bien. Et c'est pour ça qu'entre autres, l'effort du jeûne, qu'est-ce que c'est le jeûne? Eh bien, c'est choisir volontairement, c'est mon intelligence et ma volonté qui impose une certaine limite à mes passions, à mon corps qui voudrait manger ou manger plus ou manger ce qu'il faut, pour dire très bien, mais aujourd'hui, je fais un effort pour fortifier ma volonté. Et c'est comme un entraînement pour être capable au moment où là, parce qu'en fait, plus j'entraîne ma volonté, plus elle sera forte et capable de choisir le bien lorsque ce sera pas facile. Évidemment, le jeûne et le reste des efforts, c'est toujours à faire avec équilibre. Hein. Il faut pas vous mettiez à ne plus manger pendant 40 jours. Là. Vous allez être comme une échalote à la fin du carême. Le but du jeûne, ce n'est pas de maigrir. OK? Je m'adresse spécialement aux demoiselles, alors qui peut-être sont dit « Youpi, le carême arrive, ça va être l'occasion de maigrir ». Peut-être, mais ce serait par accident. Ce serait pas ça. Le premier but, c'est de reprendre le volant de ma vie. Et donc, c'est pour ça que le père Cantalamessa, un prêtre franciscain, encourageait aussi à être imaginatif. Et peut-être pour nous, c'est pas du tout un combat la nourriture. Ça se peut que ce soit pas trop un défi pour nous. Alors, il faut imaginer peut-être où sont mes défis à moi par rapport à mes passions. Comme je disais tantôt, c'est peut-être ma langue qu'il faut que j'apprenne à mortifier un peu, à dire moins de paroles inutiles. Ou il encourageait aussi à penser aux nouveaux jeûnes, les jeûnes visuels entre autres, hein, parce que on est dans une société où pullulent les écrans de toutes sortes et les images de toutes sortes, certaines images même qui nous blessent. Alors je peux choisir de jeûner un peu hein, sur mon temps que je passe devant un écran. Que ce soit Internet, que ce soit la télévision, Facebook ou n'importe quoi d'autre. Et le premier jeûne qui plaît au Seigneur, ne l'oublions pas, c'est le jeûne du péché. Hein? Décidons bien de ne plus faire ce qui nous fait rater la cible. Le péché, c'est rater la cible. Demandons à Dieu, encore une fois, qu'il nous aide. Donc, trois secteurs d'efforts, je vous invite à méditer durant cette messe. Alors, juste après, il y aura l'imposition des cendres, hein, vous avancerez et je ferai une petite croix avec des cendres sur votre front, avec cet appel à la conversion. Je suis seul prêtre, donc ce sera assez long, il y aura un petit peu de musique peut-être pendant, mais ce sera assez long. Donc, je vous invite à ceux qui sont du genre à être impatients, ben déjà d'offrir ça au Seigneur. Mais aussi d'en profiter pour méditer sur quelles pourraient être vos trois résolutions de carême. Dans chacun de ces secteurs, ma vie avec Dieu, mon amour du prochain et ma maîtrise de moi-même et de mes sens. Et de prier les uns pour les autres et surtout, surtout, demandons la grâce à Dieu que ce soit un carême de joie et d'amour. Parce que sinon, ce ne sera pas un carême véritablement dans l'Esprit Saint. Oui Seigneur, nous te demandons cette grâce. Donne-nous ton Esprit Saint, toi-même sois l'artisan de notre retournement de cœur vers toi. Apprends-nous à nous laisser aimer par toi et ensuite rends-nous capables d'aimer comme toi tu nous as aimés le premier. Amen.